Sixième journée, 30 mars. La presse athénienne s'élève jusqu'à la hauteur du dithyrambe pour célébrer la victoire de Loïs. Son portrait et sa biographie figurent dans tous les journaux. L'enthousiasme gagne la province et les colonies grecques de l'étranger, auxquelles on se hâte de faire connaître la victoire, d'où arrivent continuellement des milliers de télégrammes de félicitations. Des reproductions lithographiques, photographiques, xylographiques du portrait de Loïs commencent, à partir de ce jour, à être exposées partout, et plusieurs magasins prennent son nom comme enseigne. Parmi les nombreux dons qui lui sont faits, nous devons mentionner celui d'un champ acheté au Moyen-Âge d'une collecte faite parmi les Grecs résidant en Angleterre. Cette propriété devra porter le nom de champ de Marathon. Loïs, le héros du jour, jeune homme de 25 ans, a une physionomie très sympathique. Il est un des nombreux fils d'une pauvre mais honnête famille. Pendant son service militaire dans le 1er régiment d'infanterie, il se fit remarquer par sa légèreté à la course et sa résistance dans les marches. Un officier, M. Papadiamantopoulos, membre du comité, ayant incidemment entendu parler de ses aptitudes, parvint à le faire inscrire parmi les concurrents de la course de marathon. La veille du concours, le pieux paysan avait eu soin de faire la communion. Le programme de cette journée est des plus variés. Dans la matinée a lieu la reprise du concours de la lutte interrompue la veille. Quoique l'entrée soit libre et le spectacle intéressant, l'affluence est peu considérable, car les émotions de la veille avaient rendu la foule indifférente aux autres concours. Dans la matinée du même jour ont lieu au Pirée les concours de natation qui, favorisés par un temps magnifique, avaient attiré un grand nombre d'Athéniens. La petite baie de Zéa, située dans l'endroit le plus agréable de la ville, forme un bassin aux eaux calmes et relativement peu profondes qui communique avec la mer par une passe étroite. Tous les alentours sont richement pavoisés. Sur le quai est élevée la tribune royale ornée de nombreux pavillons. Le jury prend place sur un chaland pavoisé et ancré près du quai. D'autres chalands sont réservés aux représentants de la presse et aux champions étrangers. Deux baraquements dressés sur le rivage servent l'un de vestiaire, l'autre à procurer les premiers secours médicaux en cas de besoin. Une baleinière à vapeur transporte le roi, accompagné du prince héritier et du prince George, dans la baie de Zéa, où il est reçu à son débarquement par le maire du Pirée. Le clairon annonce l'ouverture du concours. Une baleinière à vapeur transporte les champions du vestiaire au point de départ, où ils se mettent à l'eau en attendant le signal qui est donné par un coup de pistolet. Dans l'après-midi, on reprend au nouveau phalaire les courses vélocipédiques. Elles sont favorisées par un temps relativement beau, aussi l'affluence est-elle considérable. Vers 2 heures, l'amphithéâtre envahi par une foule compacte offre un magnifique spectacle. Au centre du vélodrome, la musique de la marine exécute divers morceaux. Après l'arrivée de la famille royale accompagnée du roi de Serbie, la cloche annonce le début des courses. Course de 2 km. À ce concours prennent part 4 champions. M. Masson arrive premier et il a parcouru la distance en 4 minutes 58 secondes un cinquième. On arbore au haut du mât le pavillon français qui est salué par des applaudissements prolongés. Course de 10 km. À ce concours prennent part 6 champions. Les concurrents ont à faire 30 fois le tour de la piste. Ils partent tous à la fois. Mais au premier tour, les bicyclettes de Messieurs Colectis et Constantinis se rencontrent. Les deux champions sont renversés et le premier se fait en trombant une légère contusion au bras droit. La lutte se poursuit entre les autres concurrents. M. Masson arrive premier. Il a parcouru la distance en 17 minutes 54 secondes un tiers. Le pavillon français est aussitôt hissé au haut du mât. Course de vitesse. Tour de piste. M. Masson est proclamé vainqueur. Il a fait le tour en 24 secondes. Pour la troisième fois, on arbore au haut du mât le pavillon français qui, dans cette journée, a obtenu un véritable triomphe au vélodrome. Le beau temps continue à régner pendant la soirée, aussi l'affluence est-elle considérable dans les principales rues et sur les places de la Constitution et de la Concorde brillamment illuminées et où les musiques des sociétés philharmoniques exécutent divers morceaux. Une foule considérable se rend au théâtre municipal où des amateurs jouent l'Antigone de Sophocle dans le texte original. La musique des chœurs a été composée par M. Sakellaridis.